petits Palestiniens, de beaux petits Israéliens. Il est temps de vous prendre en main et de forcer votre destin. Même s'il est d'usage d'écouter les vieux sages, il n'est pas moins sensé d'adoucir leurs excès de religion, de nation, de munitions, tous au service d'une terre en sang, au mépris de vos beaux visages. Debout petits Palestiniens, debout petits Israéliens. Osez chacun un regard saint dans les livres de vos voisins. Pour y entrevoir leurs plus belles histoires. Sans abuser de leur récit, leur mythe créateur, fondateur, libérateur, tous au service d'une terre en sang, assombrissant vos paysages. Un conflit armé, une terre si sainte soit-elle au dire de l'Éternel, rejettera tous les méchants sans distinction de confession, de blason. Retrouvera par là finalement son rang, n'épargnera que les plus sages des entremariages.